soupir après les courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Qui d'autre ai-je au ciel, si ce n'est toi Jésus? Et sur la terre, je ne compte que sur toi. Nyon se coupe sa maille sous terre. Nyon se coupe sa maille en sous. Alléluia. Yeah. ya seko ya ya Pusa na yo Kola mai ya komela Yesu En dépit de tout Ta soif ne s'tanchera jamais En dépit de tout Ta soif ne s'tanchera jamais On a lingi Na lingi na lingi ya ya Oh.